Unité 69. Conversation. Écoutez. 1. Déjà en train de regarder la télé? Tes devoirs sont finis? 2. Oui, à peu près. 3. Qu'est-ce que ça veut dire à peu près? Montre-moi ton cahier de texte. 4. Il me reste un exercice à faire, mais je n'y comprends rien. 5. Montre. Transformez les adjectifs en italique, en nom, en leur ajoutant un suffixe. 6. Moi, je ne pige pas. 7. Mais tu as un exemple, lis-le. 8. Jacqueline est étourdie. L'étourderie de Jacqueline. 9. Je ne vois pas ce qu'il y a de difficile. Tu as un adjectif, étourdie. 10. Et alors, qu'est-ce que j'en fais? 11. Tu lui ajoutes un suffixe qui va le transformer en nom. Ce n'est pas difficile. 12. C'est toi qui le dis. Répondez, répétez. 13. Déjà en train de regarder la télé? Tes doigts sont finis? 14. Oui, à peu près. 15. Qu'est-ce que ça veut dire à peu près? Montre-moi ton cahier de texte. 16. Il me reste un exercice à faire, mais je n'y comprends rien. 17. Montre. Transformez les adjectifs en italique, en nom, en leur ajoutant un suffixe. 18. Moi, je ne pige pas. 19. Mais tu as un exemple, lis-le. 20. Jacqueline est étourdie. L'étourderie de Jacqueline. 21. Je ne vois pas ce qu'il y a de difficile. Tu as un adjectif, étourdie. 22. Et alors, qu'est-ce que j'en fais? 23. Tu lui ajoutes un suffixe qui va le transformer en nom. Ce n'est pas difficile. 24. C'est toi qui le dis. Écoutez. 25. Lis-moi ce que tu as mis. 26. La mer est profonde. La profondeur de la mer. 27. Bon, après? 28. Cet exercice est facile. La facilité de cet exercice. 29. Bon, le suivant. 30. Ces données sont exactes. L'exactitude de ces données. 31. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est plutôt barbant comme exercice. 32. À qui le dis-tu? Mais pas possible d'y échapper. Répondez, répétez. 33. Lis-moi ce que tu as mis. 34. La mer est profonde. La profondeur de la mer. 35. Bon, après? 36. Cet exercice est facile. La facilité de cet exercice. 37. Bon, le suivant. 38. Ces données sont exactes. L'exactitude de ces données. 39. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est plutôt barbant comme exercice. 40. À qui le dis-tu? Mais pas possible d'y échapper. Écoutez. Je viens chercher ma montre qui était à réparer. Oui, la voilà. Combien coûte la réparation? 50 francs. Tu te sens capable de te lever pour manger? Non, tout à fait incapable. Je ne tiens pas sur mes jambes. Tu as peut-être de nouveau de la fièvre. Oui, je me sens toute fiévreuse. C'est mangeable ou pas? Pouah! C'est immangeable. Franchement dégueulasse. Et dire que la cuisinière vient de changer? Je ne vois pas de grand changement. Sinon, en pire. Répétez. 41. Je viens chercher ma montre qui était à réparer. 42. Oui, la voilà. 43. Combien coûte la réparation? 44. 50 francs. 45. Tu te sens capable de te lever pour manger? 46. Non, tout à fait incapable. Je ne tiens pas sur mes jambes. 47. Tu as peut-être de nouveau de la fièvre. 48. Oui, je me sens toute fiévreuse. 49. C'est mangeable ou pas? 50. Pouah! C'est immangeable. Franchement dégueulasse. 51. Et dire que la cuisinière vient de changer. 52. Je ne vois pas de grand changement. Sinon, en pire. Répondez. Répétez. 53. Je viens chercher ma montre qui était à réparer. 54. Oui, la voilà. 55. Combien coûte la réparation? 56. 50 francs. 57. Tu te sens capable de te lever pour manger? 58. Non, tout à fait incapable. Je ne tiens pas sur mes jambes. 59. Tu as peut-être de nouveau de la fièvre. 60. Oui, je me sens toute fiévreuse. 61. C'est mangeable ou pas? 62. Pouah! C'est immangeable. Franchement dégueulasse. 63. Et dire que la cuisinière vient de changer. 64. Je ne vois pas de grand changement. Sinon, en pire. Écoutez. Je voudrais une pellicule pour diapositive. Quelle sensibilité? Je ne sais pas, c'est pour faire des photos d'intérieur. Alors, il vous en faut une très sensible. Voilà. Peux-tu me donner ta recette de punch? Oui, c'est très simple à faire. Il faut du rhum, du sirop de canne, du jus d'orange. Oui, mais quelle dose? Je suis exactement le dosage indiqué sur la bouteille de rhum. Répétez. 65. Je voudrais une pellicule pour diapositive. 66. Quelle sensibilité? 67. Je ne sais pas, c'est pour faire des photos d'intérieur. 68. Alors, il vous en faut une très sensible. Voilà. 69. Peux-tu me donner ta recette de punch? 70. Oui, c'est très simple à faire. Il faut du rhum, du sirop de canne, du jus d'orange. Oui, mais quelle dose? 72. Je suis exactement le dosage indiqué sur la bouteille de rhum. 73. Je voudrais une pellicule pour diapositive. 74. Quelle sensibilité? 75. Je ne sais pas, c'est pour faire des photos d'intérieur. 76. Alors, il vous en faut une très sensible. Voilà. 77. Peux-tu me donner ta recette de punch? 78. Oui, c'est très simple à faire. Il faut du rhum, du sirop de canne, du jus d'orange. 79. Oui, mais quelle dose? 80. Je suis exactement le dosage indiqué sur la bouteille de rhum. Écoutez. Tu aimerais faire de la chirurgie? Oui, j'aimerais être chirurgien, mais c'est trop difficile pour moi. Alors vers quelle branche as-tu l'intention de t'orienter? Peut-être vers la radiologie. Le métier de radiologue ne me déplairait pas. Pourquoi ne ferais-tu pas de la mécanique? Pour rien au monde, je serais mécanicien. Électronicien? Oui, à tout prendre, je préférerais l'électronique. Répétez. 81. Tu aimerais faire de la chirurgie? 82. Oui, j'aimerais être chirurgien, mais c'est trop difficile pour moi. 83. Alors, vers quelle branche as-tu l'intention de t'orienter? 84. Peut-être vers la radiologie. Le métier de radiologue ne me déplairait pas. 85. Pourquoi ne ferais-tu pas de la mécanique? 86. Pour rien au monde, je serais mécanicien. 87. Électronicien? 88. Oui, à tout prendre, je préférerais l'électronique. Répondez, répétez. 89. Tu aimerais faire de la chirurgie? 90. Oui, j'aimerais être chirurgien, mais c'est trop difficile pour moi. 91. Alors, vers quelle branche as-tu l'intention de t'orienter? 92. Peut-être vers la radiologie. Le métier de radiologue ne me déplairait pas. 93. Pourquoi ne ferais-tu pas de la mécanique? 94. Pour rien au monde, je serais mécanicien. 95. Électronicien? 96. Oui, à tout prendre, je préférerais l'électronique.